La veille du 14 juillet 1914, quelle ne fut pas ma surprise de voir un attroupement devant la grille des maréchaux, nos voisins. Depuis 2 heures de l'après-midi, leur jeune bonne, étant devenue folle, se réfugiait sur le toit et refusait de descendre. J'eusse voulu pouvoir rester là toujours, mais notre bonne, envoyée par ma mère, vint me rappeler au travail. Les pompiers, au nombre de 6, escaladèrent la grille, cernèrent la maison, grimpant de tous les côtés. Tandis que les tirs, les manèges, les baraques, place de la mairie, se lamentaient de voir si peu de clientèle, une nuit où la recette devait être fructueuse, les plus hardis voyous escaladaient les murs et se pressaient sur la pelouse pour suivre la chasse. La folle disait des choses que j'ai oubliées, avec cette profonde mélancolie résignée que donne aux voix la certitude qu'on a raison, que tout le monde se trompe. D'autres, plus sages, installés sur les branches des tilleuls, comme pour la revue de Vincennes, se contentaient d'allumer des feux de Bengale, des pétards. On imagine l'angoisse du couple maréchaux, chez soi, enfermé, au milieu de ce bruit de ses lueurs. Ce spectacle d'une poésie profonde me satisfaisait davantage. « Comme tu es pâle, » avait dit ma mère. Je trouvais le prétexte des feux de Bengale. Il me donnait, dis-je, une couleur verte. Maintenant, c'était la retraite au flambeau. Sans torche éclairait soudain la folle. Alors, elle se jeta du toit, brisa la marquise dans sa chute avec un fracas épouvantable pour venir s'aplatir sur les marches de pierre. Jusqu'ici, j'avais essayé de supporter tout, bien que mes oreilles tintassent et que le cœur me manquât. Mais, quand j'entendis des gens crier, elle vit encore, je tombai sans connaissance. Si j'insiste sur un tel épisode, c'est qu'il fait comprendre mieux que tout autre l'étrange période de la guerre et combien, plus que le pittoresque, me frappait la poésie des choses.